3A. Monsieur Faure, vous êtes aujourd'hui le propriétaire de la plus grande ferme bio de France. Expliquez-nous comment a commencé cette aventure. Alors ben, ici il y a seulement quelques années, l'agriculture traditionnelle était au point mort, avec toutes les conséquences que nous connaissons, chômage, départ des jeunes vers d'autres villes, etc. Nous ne pouvions pas concurrencer les grandes fermes industrielles des alentours. Alors nous avons pris la décision de changer radicalement notre façon de faire. C'est à ce moment-là que l'idée du tout bio vous est venue ? Oui, c'est exact. Avec des amis passionnés, nous avons mis en place les premières actions qui nous ont permis de passer au bio. Nous avons cherché des renseignements sur l'agriculture bio, puis dans le but de nous rendre autonomes, il a fallu que nous restaurions la ferme, que nous semions des céréales et que nous supprimions les pesticides. Bien sûr, le danger était de voir nos récoltes compromises par des maladies, mais nous avons pris le maximum de précautions. Et en réduisant le nombre des animaux, eh bien, nous sommes parvenus à maintenir une production suffisante pour leur alimentation.